Lundi 10 septembre, 21h, demain sera un autre jour. Depuis mon installation dans mes nouveaux quartiers, chaque fois je sors en promenade. Patrick reste en cellule toute la journée, couché la plupart du temps. Le jour il regarde la télé, la nuit il dort comme un loir. S'il ne prenait pas tant de cachets, des cachets que les médecins psychiatres distribuent ici à qui en veut, je ne comprendrais pas où il puise tant de sommeil et d'épuisement. Il semble pourtant n'avoir rien à craindre. Il connaît la prison. Ce n'est pas la première fois qu'il y séjourne. Cette fois-ci, certes, c'est pour des raisons différentes. Des raisons disons plus délicates. Mais la prison y connaît. Ces tatouages zonés testent un peu, comme des tampons, comme des visas, qu'on appose sur le passeport d'un globe-trotteur, en guise de titre de séjour. C'est un garçon rablé et costaud. Et qui n'a pas à s'inquiéter des baumettes. En tout cas il n'en impose pas moins que beaucoup de ceux qui hantent la cour. Son crâne rasé et ses gros poings me paraissent être des arguments suffisants pour qui voudrait s'y frotter. D'ailleurs m'a-t-il dit si personne ne l'ennuie, j'ai compris qu'il attend, ou qu'il espère, une libération prochaine, à la suite de sa rencontre avec le juge qui instruit son affaire. C'était le jour où je fus moi-même écroué, quand nous voyageâmes dans le même fourgon. Peut-être est-ce pour ça dans cette attente qu'il reste ainsi enfermé sans sortir et sans voir personne, pour ne pas avoir d'embrouille. Peut-être est-ce au bout du compte, par lassitude, après ces mois de détention, ces années passées, et peut-être, encore des années à venir entre ces murs. Je me demande s'il en sera ainsi pour moi. Si je m'enfermerai autant après m'être éprouvé à la vie carcérale. Je me demande comment je serai dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, si on veut bien m'accorder 5 ans de réclusion. Pour le moment les 4 murs de ma cellule ne me suffisent pas. J'ai besoin de voir du monde, et d'explorer mon nouvel univers. Je me sens au bout de 2 semaines d'incarcération un peu plus serein. Comme d'un triste sourire à peine souriant en mon royaume, je commence à prendre la mesure des choses. Et d'abord de moi-même. Je suis ici mesure de toutes choses. Aujourd'hui j'ai mangé avec plus d'appétit. La preuve, à midi j'ai englouti ma barquette de couscous en entier, jusqu'au dernier pois chiche. J'ai beaucoup maigri ces 15 derniers jours. Depuis 2 jours ça va mieux, je profite des promenades le matin et l'après-midi et j'en désire encore. C'est de nouveau toujours l'été. Un été qui touche pourtant à sa fin. Un été presque indien, doux et suave, qui m'offre ses dernières chaleurs, avec beaucoup de tempérance et de retenue, presque avec tendresse. Il est 21h. Je me couche tard ce soir. Je me boite les tympans avec mes boules-quies auto-confectionnées. Le son de la télé et le bruit de la prison me parviennent ainsi plus lointains. Cette nuit, à nouveau, comme les nuits précédentes je me lèverai. Comme chaque nuit la télé sera restée allumée. Inutilement. Patrick dormira comme il dort d'habitude, du sommeil du juste, la télécommande à la main. Comme les nuits précédentes je descendrai en faisant attention à ne pas le déranger. J'en profiterai pour utiliser les toilettes et faire un caca nocturne. Il m'est encore plus aisé de chier en pleine nuit quand mon co-cellulaire dort. Je n'ai pas encore l'habitude de faire ça sous le regard de l'autre. Avec le temps peut-être ça viendra. Je boirai un grand verre d'eau. J'éteindrai ensuite la télé. Je remonterai me coucher. J'essaierai de trouver le sommeil, et sûrement comme les nuits précédentes, je n'y parviendrai pas.